Ça devait être le plus beau jour de la vie de Fatou. À presque 14 ans, elle avait enfin donné la vie. Lorsqu'il apprit la nouvelle, Diallo, l'heureux papa, s'en alla chercher un KFC pour fêter cela et disparut dans les brumes d'Halloween à jamais. Diallo avait, de toute évidence, été assassiné par le Ku Klux Klan, pensa l'infortuné Fatou, qui depuis ce jour ne cessa de manifester pour la justice raciale et les nègres. Un doute terrible se présenta cependant à l'esprit de l'impavide Fatou, lorsque sa sœur Bintou lui avoua avoir fait l'amour avec son feu compagnon. Et si l'enfant était en fait le fils de Bintou? Tourmenté des nuits durant, Fatou réalisa un tableau Excel avec les noms de tous les partenaires sexuels connus de Diallo. C'est alors que le nom de Larbi retint son attention, tandis qu'elle tâchait distraitement de déloger du maïs grillé d'entre ses molaires. Le bambin était en effet d'un nègre modéré, tendant vers le marron. Or, les Arabes sont marrons. C'est donc l'enfant de Diallo et de Larbi dont elle avait accouché. Armée de cette solide conclusion, elle alla dissiper les derniers doutes concernant sa maternité chez le docteur Blumstein, afin qu'il fasse un test ADN sur son Macintosh. À sa grande surprise, le médecin l'informa que son ADN correspondait bel et bien, et que d'autre part, il ne s'agissait pas d'un garçon, comme elle le pensait, mais en fait, elle avait juste fait caca.